suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'Amérique des écrivains français, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a ces élections américaines qui nous tiennent en haleine et une ancienne fascination-répulsion pour ce pays qui fait que parfois on voudrait même écrire à l'américaine. Alors pour commencer, les personnages. Un auteur imprégné, une autrice face au vertical, un auteur bilingue, un éditeur emballé, un écrivain qui doute, un auteur chauffeur scénariste, Manchette, Gian, Brotigan, Cimino et un auteur de polar. Ensuite le décor. Rambo, le cinéma, les Alpes, un imaginaire, un Stetson, le rythme, le sens de l'épique, le pragmatisme, l'espace, des thrillers, des modèles et le Colorado. Aujourd'hui, 3e épisode, attention, 4e dimension. L'Amérique des écrivains français. Écrire à l'américaine. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Don't worry about me. It's all over now. Je suis très très frappé par la Fabrice Humbert. La puissance qu'a eu le cinéma américain dans nos imaginaires. À un point qui est presque dérangeant. C'est-à-dire que j'étais quelques jours dans les Alpes, cet été, dans le Vercors, je marchais sur une route, et à ce moment-là, marchant sur cette route, avec les voitures qui me dépassaient, j'ai eu des images qui étaient celles du cinéma américain. Vraiment. C'est-à-dire que j'étais dans un coin magnifique des Alpes, comme souvent, marchant, voilà, il y a un imaginaire référentiel qui se met en place, qui se mêle aux images réelles autour de moi, et sont vraiment un des films américains que j'ai pensé. Et je me suis dit qu'il était vraiment très difficile d'avoir même un imaginaire qui ne soit pas entaché par les influences américaines. Bah, pour le coup, la route de montagne, je pensais à Rambo, le premier, et je pensais à The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, oui, de Cimino. C'est une influence qui est totalement indubitable, c'est-à-dire qu'il y a véritablement à la fois une puissance et une qualité du cinéma américain qui a fait qu'il s'est emparé de l'imaginaire mondial. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Est-ce qu'en écrivant sur les États-Unis, même sans être allé à Détroit avant d'écrire le roman, vous avez eu une écriture particulière? Parce que l'espace américain imprègne l'écriture. Oui, il y a quelque chose quand même dans Thomas Reverdy. En tout cas, dans l'imprégnation qu'on a nous-mêmes de cet imaginaire américain qui fait que ça rend les choses plus faciles, à la fois plus faciles et plus délicates dans le jeu avec les clichés. C'est-à-dire que moi j'écris, mais en fait pour faire comprendre ça, souvent je prends la métaphore du cinéma. En gros, on a l'impression qu'il suffit de planter une caméra sur un coin de rue à New York pour tourner un film. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour de nous, on a l'impression que même les Américains jouent à être Américains. Hein, c'est ce que dit Baudrillard avec son, enfin une espèce d'hologramme des États-Unis qui se superpose aux États-Unis, quoi. Et l'Amérique des Américains est comme un jeu. Un simulacre, c'est ça, c'est l'expression qu'il emploie. Un simulacre, et on a l'impression que les Américains eux-mêmes jouent à être Américains. Dès qu'on est, je sais pas moi, en Californie, dès qu'on part un peu vers le désert ou tout ça, bon, bah, il y a des types avec des chapeaux de cow-boy, et puis ils élèvent des serpents dans des vivariums. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils reproduisent un espèce de film bizarre de Lynch ou des frères Fargo comme ça, là? C'est absurde. Et en fait, ils jouent à ça. Ils ont eux-mêmes la culture de leur propre imaginaire, quoi. Donc ça, c'est très plaisant parce que ça veut dire que dès que vous faites une phrase du genre « il remonta le col de son imperméable et jeta sa cigarette, il pleuvait ce soir sur Broadway », bah, ça y est, hop, le lecteur a une image, parce que ça fait un peu Humphrey Bogart, on l'a vu dans un film, on est en noir et blanc, il pleut sur Broadway, voilà, on a déjà un cadre, et donc il n'y a pas besoin d'en dire plus, alors c'est très économe. Après, le problème, c'est que si vous écrivez cette phrase-là, que j'improvise, là, en fait, il faudrait pas l'écrire, c'est-à-dire que, là, du coup, ça devient cliché. Donc, il faut tout le temps tenir la corde entre ce qui va vous faire gagner du temps en termes de description, ce qui va être plaisant aussi à convoquer en termes d'imaginaire, et en même temps, essayer de pas être dans un cliché, quoi. Et à Détroit, vous avez eu cette impression, là aussi, qu'il jouait le rôle d'Américain dans une ville en faillite ? Non, j'ai trouvé que c'était dur et réel, quoi, à Détroit. Et notamment dans les rapports entre communautés et entre communautés raciales, en fait, hein, puisque là-bas, ça se pose vraiment en ces termes. Et alors, par exemple, j'étais chez des amis qui, très gentiment, m'ont proposé donc de me loger, de me faire visiter des coins que j'avais envie de voir, etc., etc. Et puis, ils habitaient au-dessus d'une gare routière. Alors je leur ai dit, au bout de 2 jours, je dis, ah, c'est super de me promener, tout ça, vous êtes vraiment super sympa, mais enfin, je veux pas vous déranger, vous avez votre vie, vos occupations et tout. Peut-être je peux prendre le bus. J'ai vu qu'on était au-dessus de la gare, je regardais un peu sur Internet, il y a des lignes qui me permettent d'aller à droite à gauche, ça va être très bien. Et ils m'ont regardé vraiment comme si j'avais vécu les dernières années sur Mars, et ils m'ont dit, mais tu peux pas prendre le bus puisque c'est un bus pour noirs. Moi, j'ai fait mon français cool parisien. J'ai dit, bon, c'est pas grave, ça. Je me mets devant, derrière le chauffeur, avec un petit sac en plastique, et puis j'embête personne, quoi. J'ai ma veste en jean et mes Converse comme tout le monde, et puis voilà, quoi. Et ils m'ont dit, ah non, mais c'est pas ça le problème. Toi, t'es cool, mais on s'en fout que tu sois cool. En fait, tout le bus va se demander ce que ce trou du cul de blanc fait dans leur bus. Et donc, tu peux pas y aller. Et alors ça m'a complètement sidéré. C'est une situation que je pouvais pas comprendre, en fait, que j'étais pas préparé à rencontrer. Et ça, c'est de la violence. Enfin, je veux dire, c'est hyper dur comme réalité. Et d'ailleurs, tous les pauvres R en sweatshirt que je croisais au bout de 20 minutes à marcher tout seul étaient toujours noirs. Enfin, je veux dire, et c'est une ville qui était à 85% noire au moment où ça s'est effondré. Et quand on a réhabilité, quand on a commencé à réhabiliter le centre-ville avec 2 ou 3 milliardaires qui ont investi, qui se sont partagés ça vraiment comme un gâteau, c'était terrifiant aussi parce qu'on voyait bien que on faisait des plateaux étage par étage, on faisait des appartements très grands, des espèces de lofts, on essayait de faire renaître des startups avec donc dans l'informatique en attirant des gens, des ingénieurs qui venaient de Seattle, qui venaient de San Francisco et qui étaient des grands blancs barbus et chauves. Avec des t-shirts cool. Cette horizontalité qui est vraiment celle de l'écran panoramique, vraiment beaucoup plus large que haut, Maïlis de Kerangal, désigne comme une double page, la double page d'un livre ouvert. Et en fait, il y a une vraie lecture du paysage qui est donc voilà dans ce sens horizontal et qui est pour moi comme si on attrapait au lasso les éléments d'une description qui s'enchaînent les uns derrière les autres au fur et à mesure que le regard se balaye le paysage en un scope latéral assez lent et qui va magnétiser justement une réalité et surtout cette idée que tout est assez sur le même plan. Ce type de paysage fait que le regard balaye les maisons, je sais pas, les voitures, les magasins, les immeubles, la prairie, etc., sur un même plan, qui n'est pas du tout le plan vertical auquel je m'attendais et qui est souvent l'échelle de représentation des gratte-ciels, etc., qui concerne plus New York. Moi, c'était pas du tout ça. J'étais beaucoup plus dans un paysage à perte de vue où la nature était en puissance, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui m'a, non seulement que je connaissais pas, mais relié à une certaine jeunesse, j'allais dire, au fait que l'architecture, les vieux bâtiments dataient, par exemple, à 1930, on était déjà dans un monument historique. On a l'impression d'être dans un espèce de présent très fort, et moi ça m'a donné ça, je pense, dans l'écriture, c'est-à-dire l'idée du présent, l'idée d'un certain rythme, effectivement le rythme de la chevauchée, et puis quelque chose qui touche à l'aventure, à l'épisme, etc., qui sont, c'est un peu ça que j'ai essayé d'aller chercher là-bas. J'étais très très impressionnée par le fait que ça subsistait encore, en tout cas quand moi j'étais là-bas, cette espèce d'esprit d'une Amérique qui était en l'occurrence blanche, assez bûcheuse, très conservatrice, armée par exemple, et en même temps très investie dans les, voilà, dans les paysages, en tout cas avec un rapport à l'extériorité, au dehors, au grand dehors qui était très fort. C'est un pays qui vit tout le temps dans cette réflexion, cette forme d'introspection sur son identité, et ce qui génère des fictions absolument merveilleuses. Oliver Gellmeister. Et comme c'est un pays qui n'a pas de tradition propre, culturelle, c'est donc un pays qui absorbe plein d'influences du monde entier et donc qui se crée sa propre tradition littéraire. Et qui a pour ça besoin de fiction, évidemment. Il n'y a pas de réflexion systématique sur des écoles de pensée, de littérature, sur ce que font les Français, enfin, ce qu'ils appellent la French Theory, le postmodernisme, le structuralisme, tout ça, ça marche à l'université. Mais les écrivains américains ne raisonnent absolument pas comme ça. Les écrivains américains, ils vont avoir 25 ans, et puis ils vont vous faire un premier roman qui va brasser toute l'histoire de l'Amérique, la guerre de sécession, une histoire d'amour, une réflexion sur le racisme de 800 pages. Ils vont écrire exactement comme les écrivains écrivaient au 19e siècle. Moi, c'est ce que j'aime dans cette fiction-là, dans cette littérature-là, c'est qu'elle est vivante, elle est candide, elle est pleine d'énergie, et je pense que c'est la fonction de la littérature. Dugain, lorsque vous avez écrit La malédiction d'Edgar, est-ce que vous avez écrit à l'américaine ? Est-ce qu'il y a une façon d'écrire à l'américaine ? Le français, je sais pas si j'ai écrit à l'américaine, mais je pense qu'il y a une efficacité dans la narration américaine qui est effectivement souvent là. Mais ça tient, moi je parle les deux langues depuis mon enfance. Et je pense que ça se tient aussi à la structure de la langue. La langue anglaise, dont il faut savoir quand même que 55% des mots à l'origine de la langue anglaise sont français, il y a quand même quelque part une efficacité qui n'est pas dans notre langue, qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus dure à apprendre pour des étrangers. Et donc, évidemment, quand on est écrivain français, on profite de cette complexité. C'est vrai que le style dans la littérature américaine est moins importante que le propos final. Et nous, en France, parfois, à cause du style, on oublie un peu aussi le propos final. Donc, mais moi, j'aime les deux et je n'ai pas de préférence particulière. La langue anglaise est plus directe, plus frontale. Oui, c'est moins de détours. Vous savez, ce qui fait la différence entre un Français et un Américain, c'est le pragmatisme. Ils n'ont pas de problème sur la définition de leurs valeurs, alors que nous, on est constamment en train de chercher nos valeurs. Est-ce qu'on aime l'argent ? Oui, on aime l'argent. On fait semblant de ne pas aimer l'argent, mais on aime beaucoup l'argent. Ou alors, on n'aime vraiment pas l'argent. Ça, ils comprennent pas les Américains. Et pour eux, nous sommes une énigme. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce refus de considérer que l'argent, la richesse est le but ultime, et finalement une forme de sacré, même s'ils ont aussi, en plus, la religion à côté... qui foule allègrement parce que tous les principes, enfin tous les dix commandements sont foulés en permanence par la politique américaine. Donc et puis la façon de faire des affaires. Donc ils sont dans une hypocrisie qui est totale. Alors nous aussi, mais différemment. Mais clairement la structure, enfin je suis pas un grand spécialiste des langues, mais la structure du langage. Anglaise, et je le vois quand je parle anglais aux États-Unis ou ici en Europe, où on va deux fois plus vite à l'essentiel. Et je vous dis, il y a cette forme de pragmatisme que nous, on n'a pas forcément, mais en même temps, comme je disais, nous, on a cet esprit critique qu'on retrouve de moins en moins, chez les anglo-saxons. Take a time, hold some steel, a whole lot of sweat. Set of wheels on the speedway, dragging down, pistons pound, millennial engine ripping the ground. Home speedway, go for the money and lead the pack. Push the throttle and burn the track. Curl and swerve like you're doing a dance. Straight away it's coming and now you're on the speedway. Vous avez un roman dit américain. Oui, dit américain. Oui, alors. Et l'histoire de ce roman-là, de la disparition de Jim Sullivan, c'est vrai que c'est un projet un peu plus... Tanguy Vielle. Au départ, un projet plus idéal, disons, parce que je... Très simplement, en fait, ça s'est passé, c'est que je retombais, je crois, comme ça m'arrive souvent, dans une crise de la fiction, c'est-à-dire une difficulté à croire dans la fiction. Et là encore, une difficulté qui m'apparaît comme, certes, très personnelle, mais aussi peut-être aidée par... un air du temps français, voilà. C'est moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, moi, pour des raisons qui m'échappent encore. Et que, à côté de ça, je regardais ce roman américain, justement, comme ce roman absolument décomplexé, ce roman libéré de toute inquiétude et qui, voilà, et qui représentait le monde avec. Et donc, c'est uniquement sur ce. C'est en, là aussi, en polarisant entre le roman américain d'un côté, comme une forme particulière que seuls les Américains savaient faire. Et en exagérant un peu le côté français, c'est-à-dire le côté « nous, on n'arrive plus à raconter le monde », que le livre s'est constitué en mettant en scène, cette fois, plus directement, plus frontalement, un narrateur français, un peu dans un mélange très ambivalent de jalousie et d'admiration pour le roman américain, et qui se dit qu'il doit en faire un, roman américain. Et à partir de là, j'ai essayé de serrer un peu les éléments de ce que pouvait être ce roman américain. Mais encore une fois, je pense que les éléments en question, ils étaient moins importants dans ce qu'il disait de chaque chose. C'est-à-dire, bon, je remarquais qu'effectivement, c'était souvent ancré dans un milieu universitaire, ou que c'était ci, ou c'était ça. Mais c'était moins ça que l'énergie de l'écriture qu'il y a chez les Américains. Là où ils n'ont jamais perdu le sens du réel, c'est qu'au fond, au moment où nous, mettons au 19e, au moment où on a commencé, où les écrivains ont commencé à se sentir un petit peu en retrait du monde, disons du monde irraisonnable, du progrès, etc., et ont eu besoin de s'exceptionnaliser en quelque sorte, on pourrait dire le premier d'entre eux, ce serait peut-être Baudelaire, en tout cas c'en est une figure majeure, au même moment les Américains, ou plutôt les Européens qui venaient de fuir l'Europe pour arriver aux États-Unis, on trouvait un autre moyen d'échapper à ce monde hyper rationalisé, technique, industriel, etc. Mais c'était pas un moyen aristocrate à la française qui aurait consisté à se mettre de côté en disant « puisque c'est comme ça, moi je vais aller du côté des territoires intérieurs, du rêve, etc. » C'est « bon, moi je fais un retour à l'origine, mais en vrai. » C'est-à-dire, en vrai, il faut que j'aille bricoler un chalet parce que je suis en plein Middle West et qu'il faut que je... Et en fait, l'écrivain ou l'intellectuel américain, il s'est toujours senti... Enfin, il suffit de voir ce que c'est que Thoreau, quoi. C'est la philosophie américaine et tout ça. C'est en permanence, c'est hyper pragmatique. Et c'est, en fait, on sépare jamais l'intellect du sensible, en fait. Et on sépare. Et c'est aussi la démocratie américaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hierarchie entre les degrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les lettres et puis de l'autre, les travaux manuels. En fait, les deux sont sans cesse mêlés, quoi. Et je pense que ça vient de ce fait qu'ils ont trouvé une troisième voie pour échapper, malgré tout, au monde. Purement comptable. Alors après, il y a les dérives plus contemporaines de l'Amérique, mais disons, on l'apprend au 19e, elle a pu assumer d'être, de mêler l'artisan. En fait, voilà, nous, on serait très artistes et eux seraient très artisans. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est pensé, semble-t-il, pendant 150 ans. Et là encore, ce qui est tombé, là, il y a 20 ans, 30 ans, ce qui est en train de continuer à tomber, c'est la notion d'artiste en Europe, c'est-à-dire la notion de... aristocratique de l'artiste inspiré. Et donc c'est pour ça qu'on regarde l'Amérique. Parce que finalement, c'est là où ils ont gagné. Même s'ils n'ont pas forcément gagné politiquement, heureusement pour nous, mais ou pas complètement encore. Mais par contre, dans ce qu'ils disent de l'immanence des choses, de ce qu'ils disent de la démocratie, en tant que... Mais je parle vraiment en théorie. Ça, normalement, c'est le meilleur qu'on peut récupérer de l'Amérique aujourd'hui. Y compris dans la façon de faire de la littérature aujourd'hui, c'est-à-dire de repenser, de retisser les liens entre l'écrivain et le monde, quoi. Je ne dis pas que tous les romans internationaux sont des romans américains. Je dis seulement que jamais dans un roman international, le personnage principal n'habiterait au pied de la cathédrale de Chartres. Je ne dis pas non plus que j'ai pensé placer un personnage dans la ville de Chartres. Mais en France, il faut bien dire, on a cet inconvénient d'avoir des cathédrales à peu près dans toutes les villes, avec des rues pavées autour qui détruisent la dimension internationale des lieux et empêchent de s'élever à une vision mondiale de l'humanité. Là-dessus, les Américains ont un avantage troublant sur nous. Même quand ils placent l'action dans le Kentucky, au milieu des élevages de poulets et des champs de maïs, ils parviennent à faire un roman international. Même dans le Montana, même avec des auteurs du Montana qui s'occupent de chasse et de pêche et de provisions de bois pour l'hiver, ils arrivent à faire des romans qu'on achète aussi bien à Paris qu'à New York. Cela, c'est une chose qui m'échappe. Nous avons des hectares de forêts et de rivières, nous avons un pays qui est deux fois le Montana en matière de pêche et de chasse, et nous ne parvenons pas à écrire des romans internationaux. Du jour où j'ai compris cela, je dois dire, j'ai pris une carte de l'Amérique, je l'ai accrochée sur le mur de mon bureau, et je me suis dit que l'histoire entière de mon prochain livre se déroulerait là-bas, aux États-Unis. La disparition de Jim Sullivan, Tanguy Viel. Vous pensez, Maëlise Garangal, qu'il existe quelques auteurs français qui écrivent, à part vous, à l'américaine? Vous, comme ça, est-ce que des noms vous viennent? Mais moi, je pense pas que j'écrive à l'américaine, parce que je pense que moi, j'ai été chercher là-bas peut-être des formes d'énergie, ou une espèce de rapport très puissant à la fiction, qui est très tournée vers les États-Unis, le film, le roman américain. Mais je pense quand même que je suis très très française par ailleurs. Ce qui serait par exemple un auteur qui écrirait un peu à l'américaine, ce serait un auteur qui a le goût de la description par exemple, et qui met toute son énergie dans le mouvement de la phrase. Pour moi, ça, c'est assez américain, l'idée que la phrase est portée par un mouvement, et que, si vous voulez, la description par exemple d'un espace est déjà en soi le récit. On n'arrête pas tout à un moment donné en disant stop, tiens, je vais décrire la pièce. Le mouvement de décrire la pièce est celui d'où va faire surgir ce récit. J'ai pas de nom comme ça qui me viennent directement. Je pensais peut-être, il y avait Antoine Bello, d'ailleurs il vit aux États-Unis, et il y a cette espèce de côté très, très tonique chez lui, mais par exemple, est-ce que un auteur comme Jean Echenoz, avec ce sens de la phrase, avec le côté justement « less is more », le côté extrêmement tendu, ça pourrait être, en même temps, son élégance est plutôt très française, je pense peut-être, donc peut-être ces deux-là. Mais voyez, par exemple, un auteur dont on peut penser qu'il est peut-être un auteur de la belle langue française, et un auteur très, voilà, très important pour nous, en tout cas pour moi, qui est Pierre Michon. C'est un auteur qui, il faut voir la manière dont Faulkner l'a bouleversé, et ce qu'il a écrit sur Faulkner. C'est-à-dire que même lui, d'où il est, avec une langue, vraiment, alors on lit les Vies minuscules, les Onze, le Roi des Bois, ou Abbé, etc. On peut pas dire, ah, vraiment, quelle grande influence américaine. Vous voyez, on est dans un écart incroyable. Et pourtant, on lit son texte sur Faulkner, et on lit ce qu'il lit sur Faulkner. C'est très fort, notamment dans cette idée des vies minuscules, où on retrouve cette idée des vies, par exemple, ce chapelet de vies, ces vies tout ensemble, rassemblées, qui peuvent porter une humanité complète. Alors, pour ça, par exemple, il est peut-être beaucoup plus, en fait, américain, peut-être qu'on... Enfin, je pense que c'est la question du rythme aussi. Par exemple, quand on lit le Voyage au bout de la nuit, on voit bien que d'emblée, on est sur un rythme de phrases totalement américaines, avec un rythme qui est incroyable et qui fait évidemment penser à ce que pourrait être... Bon, alors c'est plus tard, mais voyez, le jazz, le bebop, etc., il y a cette espèce de scansion interjective très serrée. Il y a la violence aussi de la phrase, et sa beauté très éclatée, le fait de procéder par éclat, par éclisse, comme ça, c'est assez fort. Moi, je suis écrivain un peu par accident, parce que j'ai d'abord été réalisateur pendant de nombreuses années. Benoît Cohen. Et je suis parti habiter aux États-Unis au départ pour réaliser des films. Et donc, j'ai pas du tout pensé à l'Amérique comme une source d'inspiration littéraire, mais plus une source d'inspiration cinématographique. Et il se trouve que pour écrire un scénario, pour les besoins de l'écriture d'un scénario, j'ai passé mon permis de conduire de chauffeur de taxi jaune, et que j'ai conduit un taxi dans les rues de New York pendant 6 mois. Et donc, à ce moment-là, j'ai découvert cet univers que je connaissais un peu en tant que touriste, pour être allé pas mal aux États-Unis avant. Mais tout d'un coup, j'étais dans ce monde. J'ai vécu de l'intérieur à la fois la vie d'un New-Yorkais, mais encore plus la vie d'un chauffeur new-yorkais, et donc en contact avec tous ces gens qui rentrent et qui sortent de votre taxi. Et donc je me suis nourri à la fois de visages, d'ambiance, d'odeurs, mais aussi de mots. Et en fait, j'ai baigné dans cet univers qui est devenu littéraire malgré moi, parce qu'en fait, j'écrivais pour les besoins de ce scénario tout ce que je voyais, tous les gens qui rentraient dans mon taxi systématiquement comme un journal de bord à la fois de chauffeur de taxi et de cinéaste, puisque je notais aussi les idées qui me venaient, les repérages aussi, puisque pendant tout ce temps-là, j'ai vu des décors beaucoup plus que je n'en aurais vu si j'avais fait un repérage classique. Et donc, j'ai noté tout ça. Et en fait, au bout de 6 mois, j'avais 250 pages de notes que j'ai fait lire un peu à droite, à gauche autour de moi. Il y avait quelque chose de très ludique dans ce journal. Et on m'a conseillé d'essayer de le faire publier. Est-ce que votre écriture, est-ce qu'elle s'est imbibée de cette énergie de New York? Mon écriture d'abord est née aux États-Unis, puisque même si j'écrivais des scénarios avant, j'ai vraiment écrit mon premier livre, comme je vous disais, un peu par accident en conduisant ce taxi. Donc c'est né d'une expérience américaine, purement américaine. Et ensuite, le livre que j'ai écrit ensuite, qui était un livre entre les États-Unis et la France, qui racontait l'histoire de ma mère qui a décidé un jour d'accueillir chez elle un réfugié afghan. Je l'ai appris depuis les États-Unis, donc je suis venu voir qui était ce garçon et j'ai confronté nos expériences, mon expérience d'exilé mais de luxe, c'est-à-dire avec de l'argent, des papiers, un métier, et son expérience à lui terrible, d'un afghan qui a dû traverser l'enfer pour arriver jusqu'à nous. Et j'ai écrit ce livre de manière finalement assez américaine, dans le sens où j'allais à l'essentiel. J'étais dans une écriture très dépouillée, très directe, avec assez peu de psychologie finalement. Et c'est quelque chose qui, pour moi, ressemble à cette société, qui ressemble à cette, en tout cas, cette littérature que je connais un peu, qui ressemble aussi au cinéma, à ce cinéma que je connais mieux à la limite. Et vous avez raison, cette énergie extraordinaire, parce que c'est moi, c'est ce qui m'a le plus frappé et qui fait que je suis resté aux États-Unis alors que je pensais rentrer au bout d'un an. Cette énergie, elle est folle. Cette énergie, elle vient de cette rencontre entre ces extrêmes et forcément, elle influe dans l'expression artistique, que ce soit des écrivains, des cinéastes, des peintres. Enfin, je veux dire, c'est très très fort. Et quand on a goûté à ça, c'est dur de s'en passer. Ouais. It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. Arrêt sur image. J'ai vécu ces dernières semaines en apnée, concentré sur un seul objectif, conduire mes passagers à bon port. Et à ce moment précis, suspendu au-dessus du fleuve, je suis pris de vertige. Pas à cause des 84 mètres qui me séparent de la surface de l'eau, mais bien en raison de cette situation dans laquelle je me suis mis tout seul et qui me semble d'un coup incroyablement oppressante. J'ai un mauvais pressentiment. Et s'il m'arrivait quelque chose, un accident, une agression, je me sens mal et pense à faire demi-tour pour rentrer au garage. À peine suis-je sortie du pont qu'une femme lève le bras. 22h40, 72e rue et 1ère avenue. Femme blanche, 65 ans, poétesse. Elle me raconte qu'elle sort d'une de ses 3 réunions de poésie hebdomadaires. Le principe est simple. L'entrée est libre et chacun dispose de 10 minutes pour lire sa prose. Il y a des clubs comme celui-ci un peu partout en ville. Elle me raconte que son mari fait la même chose avec les comédies open mics. Ce sont des scènes sur lesquelles peuvent se produire des comiques de tous horizons et de tous âges. Il suffit de s'inscrire et d'atteindre son tour. Ça a beaucoup de succès à New York. Je lui demande si son mari est comédien. Non, pas du tout, mais il a toujours aimé raconter des blagues. No judgment. $18.80. Yellow Cab, Benoît Cohen. J'étais libraire à la fin des années 90, début des années 2000, juste avant de devenir romancier à temps complet. Et à ce moment-là, j'étais tombé dans la lecture des thrillers à l'américaine. Et ce qui me fascinait, parce que j'avais lu plein de polars européens et notamment français. Maxime Chatham. Et ce qui me fascinait dans le thriller américain, c'était sa structure narrative. Il y a une mécanique extrêmement construite, très complexe parfois. Et c'est là la différence entre les bons et les mauvais auteurs, c'est que le bon auteur, il va vous rendre cette mécanique invisible et donc vous avez l'impression que tout est fluide et limpide dans la lecture. Donc je décortique, je me fais ma propre école du thriller et je découvre cet univers fascinant de la culture littéraire policière américaine qui n'est pas celle française qui, dans le polar, est plutôt une culture du policier, du polar, comme on dit, du roman policier plutôt sociologique en France. Voilà, moi je suis fasciné par ça et c'est comme ça que je me mets à en écrire. Tout en me rendant compte à ce moment-là qu'il y a quand même des auteurs français qui ont commencé à le faire, dont l'un le fait déjà depuis les années 80, à savoir Serge Brussolo, qui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, son nom n'est pas aussi connu qu'il ne devrait, parce qu'il a un talent incroyable. Et Serge Brussolo, je me souviens avoir lu certains de ses livres qui sont vraiment des thrillers à l'américaine, très construits, des chapitres courts, un maximum de suspense, parfois très documentés. Et puis, c'est l'époque aussi où émerge en France celui qui, encore aujourd'hui, est probablement un des maîtres, sinon le maître du genre en France, Jean-Christophe Granger. Les Rivières Pourpres, succès incroyable, le film derrière le rend encore plus connu. Et je me dis, mais en fait, même en France, on peut le faire. Et ça termine de me convaincre que j'ai pas de raison de me l'interdire. Et c'est comme ça que je me lance, moi, dans l'écriture du roman à l'américaine, en tout cas du thriller à l'américaine, qui va se situer aux États-Unis parce que j'ai cette culture américaine depuis que je suis gamin, où j'y suis allé un nombre de fois incalculable et que j'adore ce pays. Les Américains ont une expression pour ça, suspension of disbelief, la suspension de crédibilité. Dès que vous regardez une série américaine ou un film américain, parce que c'est aux États-Unis, parce que c'est loin, parce que c'est la culture américaine où tout nous semble un peu possible, finalement tout nous semble du coup un peu plausible. Et donc, en tant que créateur, en tant que romancier ou scénariste, on peut pousser les curseurs un peu plus loin. La même histoire que vous verriez dans une série américaine, dans un film américain, vous mettez en France, je vous garantis que 9 personnes sur 10 vont vous dire « j'y crois pas une seconde », alors qu'ils y croyaient quand c'était aux États-Unis. Est-ce que la science-fiction, Mathieu Letourneux, c'est une importation américaine ? Alors, oui, la science-fiction, elle apparaît après la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien comprendre que, avec le plan Marshall et l'effondrement des imaginaires bellicistes, colonialistes des Français, des Allemands, des Anglais, hein, qui structuraient le roman d'aventure, le roman populaire jusqu'en 1939, ben vous avez la Seconde Guerre mondiale, la France a été vaincue, l'Allemagne a été vaincue et l'idéologie nazie fait que les imaginaires antérieurs n'ont plus place et donc, les imaginaires coloniaux s'effondrent assez rapidement. L'idée patriotique que nous sommes la plus grande nation ou que les Allemands, pour les Allemands, que les Allemands sont la plus grande nation, etc., tout s'effondre. Et donc, il faut remplacer ça. Arrivent les Américains avec le plan Marshall qui assortissent une aide aux Européens d'une demande d'ouverture à la culture américaine. Arrivent les comics américains qui vont être interdits en 1949 et les romans criminels, les romans d'espionnage, et la science-fiction. Mais ce qu'on appelle dans les années 50 le roman d'espionnage, c'est un roman d'espionnage qui est très influencé par le modèle qu'on appelle le modèle hard-boiled américain, c'est-à-dire le modèle dur à cuire, très proche du détective privé, etc. Vous allez me dire, oui, mais le premier espion, ça va être OSS 117, bientôt James Bond, donc ce sont des Français et des Anglais, mais en fait, quand on regarde l'esthétique des films et des romans, c'est une esthétique très américaine. OSS 117, le grand espion français, hein, qui naît avant James Bond, je le rappelle, c'est un personnage à l'américaine. James Bond, qui est un personnage anglais, c'est un personnage à l'américaine. En fait, tous ces personnages sont dominés par un imaginaire américain. Le grand héros français des années 60, Robert Moran, qui va être Bob Moran, il a bien un nom américain, Bob. Et son compagnon est bien écossais, Bill Ballantyne, mais vous voyez, c'est un imaginaire américanisé. Tout devient un peu américain. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Est-ce que vous pouvez citer des romans noirs français qui essaient d'imiter les romans noirs? Oui, bien sûr, mais après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a que ça. Ce que je veux dire, c'est que tout le roman noir français ne fait qu'imiter le roman américain. Je veux dire, il n'existe pas de roman noir français après la Seconde Guerre mondiale qui ne soit pas une imitation ou une... conversion à la française du roman noir américain. Alors il y a évidemment Vernon Sullivan, le Boris Vian qui est un faux, mais Auguste Le Breton, l'argot français, quand on nous parle des tontons flingueurs, etc. Alors c'est pas Auguste Le Breton, mais c'est pour aller vite, mais les tontons flingueurs, l'argot des tontons flingueurs, on nous dit tout le temps l'invention de l'argot, c'est formidable, etc. Michel Audiard, mais ça n'est rien d'autre qu'une version française de l'argot du slang américain, celui que la série noire, la collection série noire de Gallimard, invente littéralement au fil des premiers numéros du roman, en traduisant le slang, en inventant un argot. Et je regrette, mais Michel Audiard, ça n'a rien à voir avec l'argot de Fantômas. C'est un néo-argot qui correspond à l'argot américain. Quant au milieu, quant à la pègre française, elle n'a rien à voir avec le monde des Apaches du début du XXe siècle, qui lui était bien français. C'est un milieu qui tente d'inventer à la française, avec son argot, avec ses manières de faire, le milieu de Chicago, le milieu américain. Donc ce que je veux dire, c'est que ils imitent tous le roman noir américain. Y compris d'ailleurs, en un sens, Manchette, plus tard, bien plus tard, hein, dans les années 70, le néo-polar français ne dit jamais autre chose que nous on va faire un roman noir à l'américaine, mais gauchiste, contre-culturel, moderne. Mais il cite évidemment le modèle américain. Bah, je pense que c'est l'écrivain, c'est probablement le premier écrivain de roman noir vraiment influencé par les États-Unis. Avant lui, des gens comme Simenon ou Le Breton écrivaient plutôt des romans policiers ou des romans noirs de mœurs. C'est-à-dire que c'était des photos, des instantanées de la société française. Lui s'est démarqué d'abord en écrivant des romans extrêmement politiques. L'affaire Ngoustreau en 71, qui est un livre sur la fin de Mbarka. Nada, un an après, sur une bande de révolutionnaires post-68 qui s'enferment dans une maison à la campagne et qui vont créer tout un tas de problèmes à la société alentour. Je veux dire, c'est des romans très fortement ancrés dans une réalité politique du moment et qui rappellent beaucoup de romans noirs américains. Le père du roman noir américain étant probablement Dashiell Hammett, qui, dès la fin des années 20, écrivait La Moisson Rouge, qui était aussi une histoire c'était des grévistes, en fait, et les patrons capitalistes qui faisaient appel à des gangsters pour les déloger. Seulement ces gangsters, une fois qu'ils avaient délogé les gréfistes, s'installaient et prenaient le pouvoir. Donc je veux dire, ce roman politique, absolument pas psychologique aussi, ça qui est très fort chez Manchette et qui rappelle beaucoup le roman noir américain, c'est vraiment lui qui l'a créé. Il a créé ça, d'autres personnes derrière ont essayé de s'inspirer ou de l'imiter, certains de le copier. Aucun, à mon avis, ne sont arrivés à son niveau, mais lui a amené cette précision, et pour le coup vraiment, qui est quelque chose aussi de très américain, cette précision, par exemple, dans la position du tireur couché, il y a toutes ces armes qui sont décrites de manière très très précise, la violence aussi, une violence très froide, très crue, qui typiquement... provient du roman noir américain. Donc oui, moi si je devais citer un romancier de polar français inspiré par la littérature américaine, sans hésitation, je parlerais de Jean-Patrick Manchette. Oui. Dans sa Mercedes, Georges Herfaux roulait sur la route nationale 19. Il venait de passer Vendeuvre et se dirigeait vers Troyes, en pleine nuit. Les deux diffuseurs diffusant du John Lewis, du Jerry Mulligan et du Shorty Rogers. À gauche et à droite, les ténèbres étaient comme une muraille et elles défilaient à 130 km/h. C'est alors que la déesse doubla. Elle s'était annoncée à peine, un coup de phare au dernier instant, et aussitôt elle sauta la Mercedes dans un virage masqué, tangua un peu en se rabattant sec et disparut dans la courbe suivante en moins de temps qu'il n'en faut à Gerfaux pour murmurer « Ah, le con !» 10 minutes plus tard, il la revit. Entre-temps, il ne s'était rien passé, sauf que Gerfaux avait doublé une vieille camionnette Peugeot à l'éclairage insuffisant et s'était lui-même fait doubler par un petit bolide écarlate, probablement italien. Puis, rien. Puis là, maintenant, soudain, ses phares accrochaient quelque chose au bord de l'obscurité. En même temps, Gerfaux vit des feux arrière immobiles sur la route. Il leva le pied. Les feux arrière se mirent en mouvement et furent littéralement aspirés par la nuit. Le petit bleu de la côte ouest, Jean-Patrick Manchette. En fait, ma grande rencontre des États-Unis, c'était quand j'étais ado et un peu après, à la fin de mon lycée, quoi, disons, les éditions 10-18. C'est-à-dire, c'est Christian Bourgois et les éditions 10-18 qui ont popularisé toute cette littérature, alors que moi, je recevais avec un peu de retard, parce que Brautigan, en fait, il est mort quelques années après que je... Non, il est mort en 84. Oui, en gros, au moment où je le découvrais, il était en train de se tirer une balle dans la tête. Donc, c'était un peu trop tard. Mais c'est vraiment Bourgois et 10-18 qui m'ont fait découvrir la littérature américaine. Et j'ai plongé dedans, quoi. Et puis, en France, il y a eu un grand passeur. Je pense que c'était Philippe Djian. Parce que, alors, il y avait bien d'autres raisons de lire des bouquins de Philippe Djian quand on avait 14 ans dans les années 80, là, parce que tous ces bouquins étaient adaptés à l'écran et c'était assez plaisant. Mais de fil en aiguille, je suis tombé sur un recueil de nouvelles, ça devait être Crocodile, dans lequel à un moment, on est justement au moment de la mort de Richard Brautigan. Il est dans un bar, il prend une bière et il pleure, il est triste parce que vient de mourir un certain Richard Brautigan, qui est son écrivain préféré. Et il est d'autant plus triste qu'il se rend bien compte que dans le bar où il est, autour de lui, tout le monde s'en fout, personne ne sait qui est ce Richard Brautigan. Et je me suis dit, c'est pas possible, Djian, dont j'ai lu les bouquins, il dit que c'est son écrivain préféré, tout ça. Il faut que j'aille voir qui est ce Richard Brautigan. Et donc c'est là que j'ai commencé à plonger dans Brautigan, dans Fante, dans toute cette littérature Burroughs, ensuite de la fin de la Beat Generation, que Bourgois avait popularisé en France, quoi, dans ces années-là. Et qui était extraordinaire, c'est-à-dire moi j'avais l'impression, pour la première fois, que des écrivains parlaient la même langue que moi, enfin qu'ils écrivaient la même langue que moi, qu'ils écrivaient des histoires que j'aurais envie, peut-être pas que j'aurais envie de vivre, mais disons dans un imaginaire dans lequel moi je pouvais me situer. Eux, ils avaient déjà des héros un peu anonymes, des gens du quotidien à qui il arrivait des trucs loufoques, qui étaient aussi drôles que tragiques, qui étaient dans cette espèce d'entre-deux assez tendre finalement, assez humain, quoi, et qui étaient en dehors des schémas et des constructions littéraires, c'est-à-dire c'était des histoires qui étaient racontées un peu au fil de l'eau. On avait l'impression de suivre les héros et les personnages et que l'histoire se construisait au fur et à mesure de leurs actions, de leurs interactions, ce qui fait que de temps en temps il se passait rien, de temps en temps ça prenait des tours alambiqués et il n'y avait pas ce truc de la quête, il n'y avait pas ce truc de construction de narration un peu classique, quoi, qui était celle que je connaissais jusqu'à présent. C'est-à-dire, parce qu'en France, à l'époque, il faut voir que c'était la fin du nouveau roman. Enfin, je veux dire, à part Claude Simon, dont la phrase est à tomber par terre, le reste, c'est quand même... je sais pas, faudrait le relire maintenant, mais à l'époque, moi, ça m'a juste ennuyé, quoi. Et c'était pas possible, ce truc de dire « Ah, on peut plus raconter d'histoire et tout ça, la mort de l'imaginaire, de la fiction ». C'était complètement déprimant, quoi. Alors, ça excitait un peu les intellectuels, mais en fait, pour un jeune homme qui a envie de se projeter dans des personnages, de découvrir la vie, de découvrir des sentiments, des émotions et tout ça, c'était juste déprimant, quoi, l'histoire de la tomate qui pleure et tout. Donc cette littérature américaine, tout à coup, elle dynamitait ça complètement. Et elle le faisait pas en revenant à des formes de narration plus anciennes, type 19e, elle le faisait en inventant un nouveau truc, une narration très quotidienne, très simple, les poèmes de Brötigam, mais même les poèmes de Bukowski ou tout ça sont très tendres, ils sont très simples, ils s'inscrivent dans un quotidien, ils racontent des choses ordinaires avec voilà, dans lesquelles ils trouvent beaucoup de poésie, c'est-à-dire ils inventent une manière de voir aussi, de regarder le monde moderne qui est un peu déshumanisé, qui est un peu automatisé, standardisé, tout ça, et ils le regardent en décalant un peu le regard et en inventant quelque chose d'amusant ou de mélancolique ou de et ça ben c'est la littérature, quoi. Okay, I'm very sorry. My sexual problem, huh? I never read that. That was Henry James, right? Novel, you know, the sequel, The Turn of the Screw. It's the influence of television. Now Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? A hot medium. What I wouldn't give for a large sock with horse manure in it. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I get my opinion? This is a free country? He can give you. Do you have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan will have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. Moi, j'ai écrit mon premier roman aux États-Unis. C'était la première fois où je me suis mise à écrire. Voilà, une espèce de passage à l'acte sur lequel je reviendrai sûrement. Mais il se trouve que ça s'est produit tard, j'avais presque 30 ans, j'étais au Colorado, j'étais donc séparée de ma langue, dans une langue dans laquelle je me débrouillais bien, mais qui n'était pas la mienne, et de fait, me manquait, comme j'étais sur un campus, me manquait beaucoup de cette langue qui n'est pas forcément la langue qu'on a apprise ou qu'on a entendue, mais qui est une langue complètement vernaculaire que parlent les étudiants entre eux, etc. Et ça, je pense que ces voix américaines, elles sont revenues dans les livres sous la forme d'interjections qui produisaient ce décollage qui me plaisait. Notamment le fait de dire « yes, let's go », par exemple, je crois que ça revient dans tous mes romans, mais c'est-à-dire que c'est comme des inclusions au début de « Réparer les vivants », on va être des rois, c'est « we're going to be the king », les rois des vagues, etc., il y a ce langage du surf... Et en fait, parce que l'anglais, c'est le langage du rock et le langage, évidemment, du surf, du cinéma. Et ça, pour moi, c'est très fort, parce que ça fait immédiatement référence aux voix du cinéma et donc des voix qu'on a entendues et que l'on peut réinscrire dans les livres comme étant la langue de l'autre. Et en même temps, on écrit toujours dans une langue étrangère. Enfin, ça, c'est tellement vrai. Et je me souviens, par exemple, pour Réparer les vivants, je pensais beaucoup tout le temps à ce film de Paul Newman qui s'appelle De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où cette femme arrive, Joan Woodward, et elle dit « My heart is full ». Et pour moi, ça voulait dire tellement de choses. Mais en tout cas, cette phrase, elle est « My heart is full », c'est comme si elle était... écrite en anglais, elle flottait au-dessus de moi pendant que j'écrivais ce livre. Et c'était pas mon cœur est plein ou mon cœur déborde ou je déborde, etc. C'était My Heart is Full, c'était en anglais. Et dans ce sens-là, la présence de l'anglais, mais d'un anglais très oral, très américain, qui peut parfois tenir de l'insulte, vous voyez, qui un anglais prosaïque, pour moi, ça c'est aussi un matériau avec lequel j'écris. Warning! Headed north or south? North. Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction, huh? You got some place I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon. They knew he was innocent. I'm starting to dislike you a lot. And they didn't give a damn. That's okay, Warren. Don't worry about the soap. He's tough. En fait, à partir du moment où je me suis mis à faire du roman, et que j'ai eu envie de retrouver avec le roman peut-être cette modélisation du monde sous forme vraiment de fables, de raconter des fables, et donc de sortir peut-être de cette littérature plus sombre, plus inquiète, j'ai vu à quel point ce qui remontait tout de suite, c'était le cinéma américain. Et donc la façon dont le cinéma américain négocie les figures, les mythes et les paysages, quoi. Et les brasse sans cesse et d'une certaine manière les théâtralise, plus d'ailleurs que la littérature américaine ne le fait. Dans le cinéma américain, c'est pour ça que j'insiste un peu sur le cinéma, parce qu'il me semble qu'il y a une manière d'avoir construit de l'archétypal en permanence, d'avoir réactivé les grands mythes de l'origine, qui fait que d'une certaine manière le Hollywood, à la fois classique, mais aussi même le nouvel Hollywood des années 70 jusqu'aux années 80, est complètement construit sur la poétique d'Aristote, c'est-à-dire sur l'idée de faire comme des tragédies grecques en permanence, avec péripéties, retournements, etc. Et donc d'inclure dans la fable tous les ingrédients du suspense, du policier, etc., mais en gardant cette espèce de zone de réverbération, je ne saurais pas comment dire, qui fait qu'elle accueille le monde sensible de l'Amérique en l'occurrence, et que bizarrement, moi, quand je me suis mis à faire du roman, je ne me suis pas vu faire du roman français. C'est-à-dire, je ne me suis pas vu être capable de transposer tout cet outillage américain complètement en France, et non, au contraire, plutôt décalquer des mythologies américaines sur le roman français, mais en restant très américain dans les formes, dans les figures que très Hitchcockien, par exemple. Alors certes, dans des paysages français, mais quand même, ouais. Enfin, pardon, je me suis un peu perdu. Mais... L'Amérique des écrivains français. Virginie Bloch-Lenné. Clotilde Pivin. C'était Écrire à l'américaine avec Maïlys de Kerangal, Fabrice Imbert, Thomas Reverdy, Oliver Gellmeister, Marc Duguin, Tanguy Vielle, Maxime Chatham, Mathieu Letourneux et Benoît Cohen. Lecture Maud Jussaume. Prise de son Yann Frécy, Élodie Royer et Claude Nior. Mixage Claude Nior. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter devant la page blanche, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram.